Hugo décrit alors les 4 derniers jours de Tapner, regrettant qu'on ne lui ait pas laissé le temps d'y repentir et priant pour ses enfants. Le jour de l'exécution, devant une foule immense, suite à un dysfonctionnement, la pendaison a duré 12 minutes et le bourreau a dû se suspendre au pied du condamné pour l'achever. La corde s'est balancée un moment, portant le patient et le bourreau, le crime et la loi. Enfin, le bourreau lui-même lâchait prise. C'était fait, l'homme était mort. Vous le voyez, monsieur, les choses se sont bien passées, cela a été complet. Si c'est un cri d'horreur qu'on l'a voulu, on l'a. Cette exécution a coûté 50 000 francs. C'est un beau luxe. Avec ces 50 000 francs, on ferait vivre pendant un an, 100 de ces familles. Il vaut mieux tuer un homme. Voilà, monsieur, j'insiste, de quelle façon est mort Tapner. Un fait que je ne puis vous taire, c'est l'unanimité de la presse locale sur ce point. Il n'y aura plus d'exécution en mort dans ce pays. L'échafaud n'y sera plus toléré. La chronique de Jersey du 11 février ajoute « Le supplice a été plus atroce que le crime. » La théorie de l'exemple est satisfaite. Le philosophe seul est triste et se demande si c'est là ce qu'on appelle la justice qui suit son cours. Il faut croire que le philosophe a tort. Le supplice a été effroyable, mais le crime était hideux. Il faut bien que la société se défende, n'est-ce pas? Où serions-nous si... etc., etc., etc. L'audace des malfaiteurs n'aurait plus de bornes. On ne verrait qu'atrocité et guet-apens. Une répression est nécessaire. Enfin, c'est votre avis, monsieur. Les Tapner doivent être pendus, à moins qu'ils ne soient empereurs. Que la volonté des hommes d'État soit faite. Eh bien, sachez-le, quelles que soient les splendeurs actuelles de votre politique, quelle que soit la gloire de l'alliance de monsieur Bonaparte, quel honneur qu'il y ait pour vous à mettre votre tête à côté de la sienne dans le bonnet qu'il porte. Monsieur, cette corde qu'on noue au cou d'un homme, cette trappe qu'on ouvre sous ses pieds, cet espoir qu'il se cassera la colonne vertébrale en tombant, cette face qui devient bleue sous le voile lugubre du gibet, ces yeux sanglants qui sortent brusquement de leur orbite, cette langue qui jaillit du gosier, ce rugissement d'angoisse que le nœud étouffe, cette âme éperdue qui se cogne au crâne sans pouvoir s'en aller, ces genoux convulsifs qui cherchent un point d'appui, ces mains liées et muettes qui se joignent et qui crient au secours. Et cet autre homme, cet homme de l'ombre, qui se jette sur ses palpitations suprêmes, qui se cramponne aux jambes du misérable et qui se pend au pendu. Monsieur, c'est épouvantable. Un homme pendu, et puis après? L'assassin qui du matin au soir devient l'assassiné. Voilà ce qui est effrayant. Continuez, c'est bien. Qu'on voit les hommes du vieux monde à l'œuvre. Puisque le passé s'obstine, regardons-le. Voyons successivement toutes ces figures. À Tunis, c'est le pal. Chez le tsar, c'est le knout. Chez le pape, c'est le garrot. En France, c'est la guillotine. En Angleterre, c'est le gibet. En Asie et en Amérique, c'est le marché d'esclaves. Ah, tout cela s'évanouira. Nous, les anarchistes, nous, les démagogues, nous, les buveurs de sang, nous vous le déclarons, à vous, les conservateurs et les sauveurs. La liberté humaine est auguste. L'intelligence humaine est sainte. La vie humaine est sacrée. L'âme humaine est divine. Pendez maintenant. Prenez garde. L'avenir approche. Vous croyez vivant ce qui est mort. Et vous croyez mort ce qui est vivant. Vous tournez le dos à la vie. Elle va tout à l'heure se lever derrière vous. Quand nous prononçons ces mots, progrès, révolution, liberté, humanité, vous souriez, homme malheureux, et vous nous montrez la nuit où nous sommes et où vous êtes. Vraiment, savez-vous ce que c'est que cette nuit? Apprenez-le. Avant peu, les idées en sortiront énormes et rayonnantes. La démocratie, c'était hier la France. Ce sera demain l'Europe. L'éclipse actuelle masque le mystérieux agrandissement de l'astre. Je suis, monsieur, votre serviteur, Victor Hugo, Marine Terrasse, 11 février 1854.